regarde dans mon tel à l'illette. Go, ils parlent de moi mais je les laisse. Gros, tu t'as gâti, je pas la laisse. Gros, on va casser fesses. Gros, oh ouais je fesse tout. Jamais je dirai je laisse tout. Oh le con il veut me test. Je débarque dans ta tête. Je fais des tours dans le quartier, c'est mort. Je lève ma main à des traites, je leur dis ouais salaud. Ouais salaud. Ça me fait deux ans que je nique le game. T'oses me demander comment je m'appelle. Je vous demande une chose, laissez Joule tranquille car tout va mal dans sa tête. J'en mets un cours d'idée, ouais jamais à sec. J'vois la ligne couchée quand j'cape sur la A7. J'sais que les jaloux m'écoutent en cachette. Et au bled ça m'écoute même en cassette. Ouais salaud. Ouais salaud. Ouais salaud. Ouais salaud. Ouais salaud. Sors ta peu ta plaquette. Oh, j'suis dans le game en claquette. Coffret des billets, t'as sorti le R1, tu tournes en plaque pliée, tu veux t'en faire un. Tu petit comme un timimi, j'suis pas mais j'crois que t'as timimite. Ce soir tu pleures vers les coups de minuit, j'veux pas te plaisir alors j'suis tes mimi. J'ai pas changé gros, j'ai gardé mes valeurs. Tant que tu me dis à ta l'heure, depuis que tu me dois des lobes, on va se revoir, j'vais te dire. Ouais, salaud. Ouais, salut.